إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. L'auteur du livre كن سلفيا على الجادة عبد السلام السحيمي حفظه الله nous dit: Al-maqsoud bis-sunnah, ce qui est voulu par la terminologie sunnah. Puisque on a vu que il va entamer un sujet important qui est l'affiliation du groupe sauvé, de la faction rescapée et les noms qu'ils se sont donnés pour se différencier des suiveurs et des prétendants à la passion et aux innovations. Et comme un des noms connus des adeptes de la vérité, c'est Ahl Sunnah, donc les suiveurs, les adeptes de la Sunnah, donc il faut en premier lieu expliquer la terminologie Sunnah. Donc ce qui est voulu par le terme As-Sunnah. Lamma kana min al-ma'ruf anna min musammayat Ahl Sunnah wal Jama'ah السلفيون فيحسن التعريف بالسنة في اللغة وفي الاصطلاح. Puisqu'il est connu que parmi les noms que portent les adeptes de la sunna et du groupe et du consensus, c'est les salafis, donc il est bien de donner la définition du terme sunna d'un point de vue linguistique et de même d'un point de vue technique. ثم بعد ذلك نعرج على التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة وذكر سبب ذلك. Puis nous entamerons la définition des autres appellations des adeptes de la sunna et du groupe et on citera la cause de ces noms. Quelqu'un a un citroën rouge? Il y a un citroën rouge qui gêne les voisins. Inch'Allah. Tayyib. Fassunnatu fil lugha. Donc la sunna dans la langue, d'un point de vue linguistique, hiya tariqatu wassira. C'est quoi sunna? C'est le chemin. C'est la voie. Et c'est aussi la façon d'être, ce sur quoi est la personne. C'est ça en langue arabe que veut dire as-sunna. Wa qad ikhtalafa ulama al-lugha. Et les savants dans la langue ont divergé sur un point concernant as-sunna. Hal as-sunna maqsuratun fi al-lughati 'ala at-tariqati al-hasana أو أنها تشمل الحسنة والقبيحة. Ils ont divergé sur, dans la langue arabe, est-ce que le terme sunna est employé que sur la bonne voie, le bon chemin, le chemin où on n'y retrouve que des bonnes choses, ou alors cela englobe le bon chemin comme le mauvais chemin, dans lequel il s'y trouve des mauvaises choses. والصحيح أن المراد بها في اللغة هي الطريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة. Mais l'opinion la plus authentique là-dessus est que dans la langue, le terme sunnah englobe le chemin, tout chemin, qu'il soit bon ou mauvais. On appelle ça en anglais, un des termes arabes pour dire le chemin, c'est sunnah. C'est-à-dire le chemin qu'entreprend telle personne, qu'entreprend tel groupe de personnes, on appelle ça sunnah. Que ce chemin il soit bon ou il soit mauvais. Que ce sur quoi est telle personne, il est bon ou il est mauvais. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. Et parmi les preuves de cela, de cette explication littérale du terme, حديث النبي صلى الله عليه وسلم, le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها رواه مسلم. Dans ce hadith, le prophète sallam nous dit: celui qui entreprend, qui fait renaître une voie, un chemin qui est bon, alors il en aura la récompense. Et la récompense de ceux qui l'ont entrepris, de ceux qui l'ont accompli, de par ça, grâce à lui. Et celui, de l'autre côté, qui entreprend, qui fait revivre une mauvaise chose, un mauvais chemin, alors il en supportera le fardeau, et le fardeau de ceux qui l'auront accompli. C'est-à-dire que, des deux côtés, tu es la cause de la revivification d'un bien, tu en as la récompense. Et tous ceux qui vont agir avec ce bien, grâce à ton agissement, grâce à ton appel, tu en auras aussi la récompense, sans que eux ne perdent leur récompense. Et de l'autre côté, si au contraire, tu as fait revivre un mauvais chemin, une mauvaise action, tu en auras le péché. Et tu en auras aussi, tu en supporteras le péché de ceux qui l'ont accompli à cause de toi. Ceux qui t'ont vu faire, ou qui t'ont écouté et qui ont agi ainsi en mal, donc tu en supporteras aussi le mal, sans que eux ne perdent le mal et le péché qu'ils ont commis. Et le hadith est rapporté par Muslim, rahimahullah, dans son authentique. Donc on voit bien que le prophète, alayhi sallatou wassalam, a employé le terme sunnah, en bien et aussi en mal. C'est le même terme. Lorsqu'on comprend bien le hadith, on voit que le hadith n'a rien à voir avec ce que les innovateurs appellent bid'ah hasana. Ça n'existe pas, bid'ah hasana. Et jamais le prophète n'a employé ce terme. Mais lorsqu'ils traduisent, ils traduisent selon leur conviction et leur compréhension des textes. C'est-à-dire que si quelqu'un comprend mal un verset, comprend mal un hadith, dans sa traduction, il y aura une erreur obligatoirement. Pourquoi ? Parce qu'il va traduire selon sa compréhension. Et c'est pour cela que, pour traduire, surtout le domaine religieux, ça ne suffit pas de connaître les deux langues. Ça, c'est une des conditions pour le traducteur, de connaître la langue de base de laquelle il va traduire. Et il se doit de connaître la langue vers laquelle il va traduire. Mais ça, c'est le côté linguistique. Après, d'un point de vue religieux, les termes n'ont pas toujours le sens linguistique. Ils ont un sens technique ou un sens religieux. Donc si quelqu'un ne connaît pas les définitions des termes d'un point de vue religieux, eh bien, il va mal traduire. s'il s'amuse à traduire que littéralement ou linguistiquement, eh bien, il commettra des erreurs. Que dire s'il a une connaissance religieuse, mais erronée et fausse? Ben là, il se trompera encore. Et c'est pour cela que, dans le domaine de la croyance, ils vous traduisent les versets coraniques qui concernent les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Eh bien, ils vont les traduire selon leur compréhension. Et ça, c'est d'une gravité. Donc, il faut vérifier, est-ce que la traduction, elle est conforme d'un point de vue religieux? Donc, ça ne suffit pas d'avoir que la langue, mais il faut s'y connaître. Et c'est pour ça que les ulama ont pour habitude, lorsqu'ils écrivent des ouvrages, dans l'introduction, la préface, d'expliquer le sens de certains termes qui sont employés dans l'ouvrage. Par exemple, ils disent, lorsque je dis telle chose, j'entends par là telle et telle telle chose. Lorsque je dis tel terme, cela veut dire telle et telle telle chose. Ça, c'est important. Même dans la langue arabe, et parfois même d'un point de vue religieux, d'une époque à une époque, un terme n'a plus le même sens. Un terme, à l'époque des plus prédécesseurs, ils l'employaient. C'était un terme arabe et ils l'employaient. Mais ils entendaient par là un sens, une définition bien précise. Des siècles plus tard, ce terme, de par la coutume, on lui a donné un autre sens. Et les gens ont pris l'habitude de l'employer avec ce nouveau sens. Et vous vous retrouvez face à des gens qui vont expliquer ou commenter des paroles coraniques, des hadiths, des plus prédécesseurs, de tel savant, mais ils vont trouver des termes qui sont employés dans les paroles, mais vont les expliquer, les commenter avec la compréhension qu'ils ont des termes, mais une compréhension qui n'était pas de l'époque. Et c'est pour ça que c'est important. Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah, il a un ouvrage sur ce domaine-là qui s'appelle Al-Haqiqatu al-Shar'iyya fil Kitabi wa Sunnah. La réalité religieuse dans le Coran et la Sunna. Et il parle de ce problème. Et il dit qu'il y a beaucoup de termes qu'on emploie en arabe. Mais lorsqu'on les retrouve dans le Coran et la Sunna, ce n'est pas ce sens-là qui est voulu. Donc lorsqu'on va expliquer, commenter le verset coranique, on se doit de le commenter selon le sens qu'il avait au moment de la révélation. Tel imam de telle époque, lorsqu'il employait tel terme, on doit savoir que, à son époque, ce terme-là voulait bien dire telle et telle définition. Puis, il ramène des exemples de termes, beaucoup de termes. Chaque terme, c'est un chapitre. Tel terme, on le retrouve dans tel verset, dans tel hadith, voilà ce qu'il veut dire à cette époque-là. Chez les gens d'après, eh ben, ce terme a été employé pour autre chose. Et ça, c'est important à s'en rappeler. Tayyib. Donc, les mubtadi'a, surtout les soufis, ils disent il y a des bonnes bid'a. Et ils ramènent ce hadith parmi les preuves qu'ils ramènent. Alors que ce hadith est plutôt contre eux et il n'est pas avec eux. Parce que ce hadith du prophète sallam, il a été dit dans quel contexte? Le début du hadith, c'est qu'il y a des gens pauvres, mal vêtus, qui sont arrivés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il était touché par l'état de ces gens, il a demandé qu'on donne l'aumône. Il a demandé aux compagnons de faire aumône. Les compagnons n'ont pas bougé dans un premier temps. Puis, un homme s'est levé et il est parti chez lui. Et il est revenu avec des biens pour donner en sadaqa. Lorsque les gens ont vu cette action, ils se sont mis à se mettre debout et à partir chez eux et à ramener. Jusqu'à que s'est entassé devant le prophète un grand lot de sadaqa. Et là, le prophète s'est réjoui de cette action. Mais puisque c'est un homme qui a pris les devants, qui a devancé les autres et qui est parti ramener la sadaqa, et ça a encouragé les autres à le faire, le prophète, il a dit cette parole. Donc cet homme-là, a-t-il ramené une innovation en ramenant de la sadaqa? Non, la sadaqa c'est quelque chose de demandé. Seulement, à ce moment-là, personne n'a bougé. Et son action à lui a encouragé l'action des autres. Donc de ce fait, il en a la récompense de son action et la récompense de, des actions des autres parce que c'est lui qui les a encouragés à donner. Donc quand on voit le contexte dans lequel cette parole a été dite, on comprend bien que ici il est voulu les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Tu viens dans un endroit où il y a un bien que les gens n'accomplissent pas. Tu appelles les gens à ce bien. Tu les encourages à accomplir ce bien qui est reconnu religieusement. Eh bien, les gens agissent, tu en as la récompense. Et leur récompense aussi parce que c'est toi la cause. Un autre exemple. Tu viens dans un endroit, il y a un péché qu'ils ne commettent pas. Ils sont loin de ce péché. Mais tu viens et toi, tu ramènes ce péché. Et de par ton geste, d'autres personnes se mettent à le commettre. Eh bien, tu en supporteras le fardeau, le péché. Et le péché de ceux qui t'ont suivi, parce que c'est toi qui l'as fait revivre, ce péché, dans cet endroit. Voilà le sens de ce hadith. Alors que la bid'a, toute bid'a est mauvaise. Et elle est rejetée. « Haythu qassam al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam » السنة إلى سنة حسنة وسنة سيئة. De sorte qu'on voit bien dans le hadith que le prophète sallam a bien divisé la sunna en une bonne sunna et en une mauvaise sunna. Un bon chemin et un mauvais chemin. أما تعريف السنة في الاصطلاح. Mais concernant la définition du terme as-sunna d'un point de vue technique. فَلَهَا اصطلاحٌ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ. Donc, elle a un sens technique chez les savants du hadith. كَمَا أَنَّ لَهَا اصطلاحًا عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ. De même qu'elle a une définition, un sens chez les savants des fondements de la jurisprudence. Et le terme sunna a aussi un sens, une définition chez les savants du fiqh, de la jurisprudence. C'est-à-dire que même dans le sens technique, il y a plusieurs définitions. Donc c'est important qu'une personne, elle sache le sens qui est voulu. Tu es dans un ouvrage, dans le thème de usul al-fiqh, le terme sunna est employé, tu dois savoir que veut dire le terme sunna chez l'usuliyin. Tu es dans le domaine du hadith et le terme sunna est employé, tu te dois de savoir le sens du terme sunna chez le muhaddithin. Tu es dans le domaine du fiqh et le terme sunna est employé, tu te dois de savoir le sens du terme sunna chez les fuqaha. Donc, il a un sens littéral, linguistique, on l'a vu. C'est tout chemin, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais. Et en religion, dans le domaine religieux, il a un sens selon les thèmes et les matières dans lesquelles on est. Que ce soit dans l'usul, que ce soit dans le hadith, ou que ce soit dans le fiqh. فَفِي اصطلاح المحدثين. Chez les savants du hadith, de la technique du hadith, quel sens a le terme sunnah ? هِيَ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. C'est tout ce qui nous est rapporté, qui nous provient du prophète alayhi salatu wassalam, min qawlin, que ce soit les paroles du prophète sallam, ou fi'lin, ou les actions, les actes du prophète sallam, ou taqririn, ou les approbations du prophète sallallahu alayhi wasallam. Les paroles, quand le sahabi dit, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, le messager a dit, là on a la parole du prophète sallam. Un acte, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَفْعَلْ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. On nous raconte, le sahabi nous raconte une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taqrir, un sahabi a dit une chose, a accompli une chose en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit a encouragé ce qu'il a fait ou s'est tu devant son action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas se taire devant un mal. Donc son silence vaut approbation. Donc, il a approuvé cette action du sahabi ou cette parole du sahabi. Donc, on a les paroles, les actes et les approbations du prophète, alayhi salatu wassalam. Or, sifatin, ou un aspect du prophète, sallam. On nous parle, on nous raconte l'aspect du prophète, sallam. Khilqiyya ou khuluqiyya. Ça s'écrit de la même manière, il n'y a que les voyelles qui changent. Khilqiyya, c'est la création du prophète, sallam. Comment Allah il l'a créé. C'est la description physique du prophète, sallam. Il était de quelle taille? Mince, large, les épaules. Comment il était, alayhi salam? Voilà, ça c'est la description, c'est le khilqiyya. Khuluqiyya, c'est le comportement du prophète, sallam. Le caractère du prophète, alayhi salam. Ou sira, ou la biographie du prophète, sallam. Sawa'un kana qabla al-ba'tha ou ba'daha. Que cela, tout ce qui nous est rapporté, soit avant la prophétie, la mission prophétique, ou après. Tout ce qui concerne ce prophète, alayhi salatu wassalam, chez les muhaddithin, ça rentre dans le terme sunnah. Tout ce qui est propre au prophète Mohammed sallam, avant la prophétie et après la prophétie. Voilà le sens du terme sunnah chez eux. بينما في اصطلاح الاصوليين alors que chez les savants des fondements de la jurisprudence علم الاصول تطلق على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز. C'est tout ce qui nous est rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Parce que Al-Usul, ce sont les fondements. C'est une matière qui parle de quoi? Des sources de la religion. Où est-ce qu'on va chercher la religion? On va puiser la connaissance de notre religion. En premier lieu, ils te disent le Coran, puis la Sunna. Bien que le Coran et la Sunna vont de pair. Le Coran ne peut se passer de la Sunna. Puis on a Al-Ijma', le consensus, Al-Qiyas, la comparaison par analogie, et plein d'autres formes qui entrent dans les fondements de la jurisprudence. Donc ici, Al-Sunnah, voilà ce qui est voulu. C'est tout ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne retrouve pas dans le Coran. Bal innama nussa alayhi min jihatihi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui nous a été rapporté de la part du prophète alayhi salatu wassalam, soit c'est une clarification de ce qu'on retrouve dans le Coran ou pas. Parfois ce sont des textes qui viennent nous clarifier, nous détailler, nous expliquer des versets coraniques. Et parfois ce sont des paroles du prophète sallam qu'on ne retrouve pas, complètement pas dans le Coran. L'un ou l'autre, ça entre dans la sunna chez al-usuliyin. Wa tutlaq as-sunna fi istilah al-fuqaha. Et chez les savants du fiqh, de la jurisprudence, le terme sunna est employé pour dire quoi? Ala ma laysa biwajib. Pour dire d'une chose qu'elle n'est pas obligatoire. Pour dire d'une chose qu'elle n'est pas obligatoire. Là, on rentre dans le fiqh, dans les cinq règles. On appelle ça al-ahkam al-khamsa, les cinq jugements. Car toute action, elle fait partie d'une des cinq règles, d'un des cinq jugements. Soit cet acte, il est obligatoire. En arabe, on appelle wajib ou fard. Ça veut dire la même chose. Il n'y a que chez les hanafis qui font la distinction entre le terme fard et le terme wajib. Fard, c'est encore plus haut que wajib. Fard, c'est ce qui a été rendu obligatoire par un texte sûr, dans lequel il n'y a aucun doute. Un verset coranique ou un hadith, comme ils appellent, mutawatir. Hadith rapporté par beaucoup. Et le wajib, c'est une obligation, mais dont le texte n'a pas la même force. Et donc, ils appellent ça wajib. Mais chez la majorité des ulama, le terme fard et le terme wajib veulent dire la même chose. En français, on dit l'obligation. Soit l'acte, il est recommandé, conseillé. On appelle ça en arabe mustahab. Et chez les fuqaha, donc on est dedans, on l'appelle aussi sunnah. C'est celui-là qu'on appelle sunnah. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire. Donc là, on voit bien que dans le fiqh, il a un sens. Et c'est ce sens-là qui prime dans la tête ou l'esprit de la plupart des gens, surtout les anciens. Ils ont toujours entendu le terme sunnah dans le sens du fiqh. Que ce n'est pas une chose obligatoire. Parfois, quand vous dites à quelqu'un, ouais, mais la sunna veut, pour lui, tu l'appelles à quelque chose qui n'est pas obligatoire. Il ne comprend pas pourquoi. Parce que toi, tu entends par le mot sunna une chose, et lui, il a compris par le terme sunna autre chose. Parce que lui, il a pris l'habitude d'entendre le terme sunna dans le domaine du fiqh. Dans la mosquée, chez les imams, ou les shirks, chez qui ils écoutaient, c'est dans le domaine du fiqh. Ils apprenaient à faire leur ibadat, leurs actes d'adoration. On est dans le domaine du fiqh. Donc le terme sunnah est employé d'un point de vue fiqhi. Et toi, tu entends le terme sunnah comme étant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une obligation de la suivre. Mais la personne en face, il a une compréhension et toi, tu as une compréhension. Et parfois, ça amène quoi? Un malentendu entre les gens. Donc ici, ça, donc on appelle ça aussi, chez les fuqaha, sunnah. Puis, on a un troisième jugement qui est ce qui est permis. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle en arabe al-mubah, al-ja'iz. Puis on descend, on a un autre jugement qui est le déconseillé. Quelque chose de déconseillé, c'est ce qu'on appelle al-makruh. Puis le dernier jugement, c'est l'interdit, al-haram. Donc n'importe quel acte, il entre dans une des cinq règles. Al-ahkam, al-khamsa. L'obligatoire, c'est l'action. Que lorsque tu l'accomplis, tu es récompensé. Lorsque tu omets de l'accomplir, tu en supporteras le péché et tu peux être puni pour cette action-là que tu n'as pas accomplie. Al-mustahab, qu'on appelle la sunnah, qui est le conseiller, tu es récompensé lorsque tu l'accomplis, mais tu n'es pas puni pour ne pas l'avoir accompli. Al-mubah, al-ja'iz, ce qui est permis, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, c'est la même chose. Al-makruh, le déconseillé, lorsque tu t'en éloignes, tu ne l'accomplis pas, tu ne le commets pas, tu es récompensé. Mais si jamais tu l'as commis, tu n'es pas puni. Et al-haram, lorsque tu l'as délaissé, tu es récompensé. Lorsque tu le commets, tu en seras puni. Donc, chez les fuqaha, en dessus de l'obligatoire, il y a le conseiller qu'ils appellent sunnah. Fayuqal, alors il est dit, hadha shay sunnah. On dit telle chose, c'est sunnah. Ay, laysa bi fard wala wajib. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose qui est obligatoire. Wala muharram wala makruh. Et qui n'est pas aussi ni interdit, ni déconseillé. ولكن السنة عند كثير من السلف أوسع من ذلك. Mais chez les pieux prédécesseurs, la terminologie sunna elle a un sens bien plus vaste que ce qu'on vient de voir. إذ يعنون بالسنة معنى أوسع من معناها عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء. Car ils veulent par le terme sunnah un sens bien plus vaste que le sens qu'on retrouve chez les muhaddithin, qu'on retrouve chez les usuliyin, qu'on retrouve chez les fuqaha. Idh ya'nuna bis-sunnah muwafaqatul kitab wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. Ils veulent par le terme sunnah la concordance avec le Coran, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et avec la voix des compagnons radiyallahu anhum, sawa'an fi umur al-i'tiqadat aw al-ibadat, que ce soit dans les questions dogmatiques de la croyance, du dogme, du credo, ou sur les questions de la pratique, c'est-à-dire des adorations. ويقابلها البدعة. Elle vient face à cette sunna, l'innovation. C'est celle qui vient, c'est son contraire. فَيُقَالُ فُلَانٌ عَلَى السُنَّةِ. On dit, telle personne est sur la sunna. إِذَا كَانَتْ أَعْمَالُهُ عَلَى وِفْقِ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc on dit, telle personne est sur la sunna lorsque ses œuvres concordent avec le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa yuqal fulanun ala al-bid'ah. Et on dit, telle personne est sur l'innovation. Idha kana 'amaluhu mukhalifan lil-kitab wa sunnah aw ahadihima. Donc on dit, telle personne est sur l'innovation lorsque son œuvre ne concorde pas, va à l'encontre du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, ou l'un des deux. Ça va à l'encontre de l'un des deux. Yaqul Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: wa lafdh as-sunnah fi kalam as-salaf يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. Donc Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah nous dit, et le terme as-sunna, lorsqu'il est employé dans les paroles des pieux prédécesseurs, cela englobe la sunna dans les adorations et dans les croyances et le credo. Même si beaucoup d'entre eux ont écrit des ouvrages sur la sunna et ne voulaient par là que le domaine du dogme et de la croyance. Et il dit, qu'Allah le prenne dans sa miséricorde, dans son livre de Aqidah qui s'appelle Al-Hamawiyyah. Al-Hamawiyyah vient de la ville de Hama, qui est en Syrie. Donc la Aqidah s'appelle Al-Hamawiyyah, comme Al-Aqidah Al-Wasitiyyah. C'est de la ville de Wasit, qui est en Irak. C'est les gens qui lui ont demandé de leur écrire un ouvrage dans l'Aqidah, pour qu'ils s'y tiennent et s'y accrochent, l'Aqidah authentique. Et puisque c'est eux qui lui ont demandé, on a donné ce nom à ce credo d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Al-Aqidah, Al-Wasitiyyah. Ce n'est pas Al-Wasitiyyah, le juste milieu, non. C'est de la ville de Wasit, avec un alif. Wasit, la ville qui est en Irak. Tayyib. Ibn Taymiyyah, rahmallah, nous dit dans Al-Hamawiyyah, As-Sunnah, hiya ma kana alayhi Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. La Sunnah, c'est ce sur quoi était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la croyance, dans les paroles et dans les actes. L'irtisad, c'est de s'arrêter là où ils se sont arrêtés, de ne pas aller plus loin. C'est-à-dire, entre dans la religion, de faire, d'accomplir ce qu'on te demande et de ne pas faire ce qu'on ne t'a pas demandé. Ça aussi, c'est dans... Par exemple, la sunna, c'est de faire telle chose. Et la sunna, c'est aussi de ne pas faire telle chose. Dans les deux sens. Dans l'agissement et dans le fait de ne rien faire. Wa yaqulu Ibn Rajab, rahimahullah, al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah, dit: wa kathirun min al-ulama al-muta'akhirin yakhussu sunna بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف لها على خطر عظيم. Donc Ibn Rajab rahimahullah nous dit, beaucoup de ulama parmi les derniers, Ibn Rajab, il est pratiquement du 8e 9e siècle de l'Hégire, il dit, beaucoup de savants parmi les derniers, les derniers, emploient ou réservent le terme sunnah pour ce qui concerne ce qui est propre au credo, au dogme. Pourquoi ? Parce que c'est la base même de la religion. Et celui qui va à l'encontre de cela, il est sur un grand danger. Il dit cela dans son ouvrage « Jami'ul Uloum wal Hikam » qui est un commentaire des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. L'imam al-Nawawi, il a écrit son ouvrage, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, mais en vérité, il y en a 42. Et 42, c'est proche de 40. Donc, il a dit les 40 hadiths. Mais il y en a 42. Et Ibn Rajab en a rajouté 8. Ce qui en fait, au final, 50 hadiths. Donc, Jami'ul Uloum wal Hikam, c'est ce qu'on pourrait appeler ce qui rassemble les sciences et les sagesses. Et c'est le commentaire de 50 hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est dans cet ouvrage qu'il a dit cette parole, rahimahullah. Qultu, je dis, et là c'est l'auteur, Abdussalam Suhaymi, hafidhahullah, fassunna, idha utliqat fi babil aqaid, innama yuqsadu biha ad-dinu kamilan. Il dit, la sunna, lorsque elle est employée d'un point de vue général dans les questions de croyance et du dogme, il est voulu par là toute la religion. La mastalaha alayhi ulama ul hadith wa ulama ul usul wa ulama ul fiqh. Non pas le sens qui a été donné par les savants du hadith ou les savants des fondements de la jurisprudence ou les savants de la jurisprudence, le fiqh. C'est toute la religion. Qala ibn Rajab aydan, al-hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah nous dit aussi, as-sunnah هي الطريق المسلوك. La sunna, c'est le chemin entrepris. فيشمل ذلك, et ceci englobe التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال إلى آخره. Donc cela englobe l'attachement, le cramponnement à ce sur quoi était le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses califes bien guidés qui lui ont succédé dans les domaines dogmatiques, dans les actes et dans les paroles, etc. Al-musammayatu shar'iyya li ahli sunnati wal jama'a. Les noms reconnus religieusement qu'ont les adeptes de la sunna et du consensus et du groupe. Ahlu shay. Donc maintenant qu'on a su ce que veut dire le terme sunna, on va comprendre ce que voudra dire les gens de la sunna, les adeptes de la sunna. Ahlu shay, les adeptes d'une chose, hum akhassun nas bih. Ce sont les gens les plus prioritaires à cette chose-là. Ce sont les gens les plus proches et les plus ayant droit de cette chose-là. Yuqalu fil lugha, il est dit dans la langue, ahlur rajul akhassun nas bihi. Les gens ou les gens de telle personne, ce sont ceux qui sont lui sont le plus proches et les plus ayant droit en cette personne. Wa ahlul bayt sukkanu. Et les gens de la maison, ce sont les habitants de cette maison. Wa ahlul islam man yadinu bihi. Et les gens de l'islam, ce sont ceux qui pratiquent cette religion. Wa ahlul madhhab man yadinu bihi. Et les gens de telle école, ce sont ceux qui pratiquent telle école, tel madhhab. Fa ma'na ahli sunna, donc le sens des gens de la sunna, les adeptes de la sunna, akhassun nas biha. Ce sont ceux qu'on reconnaît le plus dans la sunna, les plus ayant droit de la sunna. Wa aktharuhum tamassukan biha wa ittiba'an laha. Et ce sont ceux qui s'attachent le plus, qui se cramponnent le plus à elle et qui la suivent le plus. Qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Que ce soit par la parole, par les actes ou par la croyance. وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين. Et ce terme, il est devenu, il se retrouvait avec un sens technique et il est voulu par ce terme-là deux choses. Lorsqu'on entend ça, on comprend bien que toute personne qui prétend ou qui dit « nous, nous sommes le sunnah » et qu'en réalité ils sont loin de la sunnah, ça ne restera que des prétentions. Al-Ahbash, ils se font appeler le sunnah. Ils se disent « nous, on est le sunnati wal jama'a ». C'est faux, puisqu'ils sont très loin de la sunnah, qu'ils sont dans le domaine dogmatique ou dans le domaine des adorations. Ils n'appliquent pas la sunnah. Ils appliquent ce que leur gourou leur enseigne. Wal-iyadu billah. Mais ils se font appeler faussement Ahl sunnah. Et ils se font passer pour Ahl sunnah. Al-Asha'ira, ceux qui suivent la aqida de l'Ash'ariya, ils se disent, nous, Al-Maturidiyya, nous sommes Ahl sunnati wal-jama'a. C'est faux, puisque dans le domaine dogmatique, ils ont des domaines dans lesquels ils sont en contradiction avec le livre et la sunna et avec ce sur quoi étaient les plus prédécesseurs. Donc, c'est une affiliation qui est fausse. Mais ce sont des sectes déviantes. Après, dans la déviance, ils sont plus ou moins loin de la sunna. Mais pour être dans la sunna complètement, il faut être en conformité. Dans la croyance et le dogme, dans les paroles et les actes. Dans toute la religion, on suit ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. Et on est en conformité avec le livre d'Allah, avec la sunna du prophète sallam et avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Donc le premier sens, al-ma'na al-awwal, ma'na al-'am, c'est un sens général. Wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil-islam 'ada ar-rafida. Donc le premier sens qui est un sens général, c'est tous les musulmans entrent dans ce sens-là de la sunna, contrairement aux chiites. Et ça, c'est un sens que beaucoup ont. Pour beaucoup de gens, même pour beaucoup de mécréants, quand ils parlent de l'islam, tout ce qui n'est pas chiite, ils disent c'est la sunna. Ils disent il y a le chiisme et il y a la sunna. Tu es chiite ou tu es sunnite. Ça, c'est un sens général. Mais dans les détails, on va voir que cette définition, il faut bien l'expliquer. Parce que pendant longtemps, c'est un terme qui est employé pour contrer et faire face au chiisme, pour montrer qu'on n'était pas chiite. وَالْمَعْنَ الثَّانِي est le deuxième sens, مَعْنَ الْأَخَصْ. C'est une définition bien plus concise. وَأَضْيَقْ مِنَ الْمَعْنَ الْعَامِ et elle est plus étroite que le sens général. وَيُرَادُ بِهِ et elle est voulue par ce sens-là. أهل السنة المحضة الخالصة من البدع. C'est les gens de la sunna pure et qui est purifié de toute forme d'innovation. Il n'y a pas d'innovation chez eux. Voilà le sens le plus précis de أهل السنة. ويخرج به سائر أهل الأهواء والبدع. Et donc sortent de ce sens-là, de cette terminologie, toutes les tendances et toutes les voies parmi les voies de la passion et de l'innovation. Quel khawarij, comme les khawarij, les kharijites et leurs descendants, jama'at al-takfir et ainsi de suite. Wal jahmiya, les jahmites, wal murji'a, les murji, wal shi'a, les chiites, wa ghayruhum et bien d'autres, min ahli al-bid'ah, parmi les adeptes de l'innovation. يقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دي فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافدة. Donc il dit le terme أهل السنة, les adeptes de la sunna. Il est voulu par ce terme tous ceux qui affirment le califat des trois. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils reconnaissent le califat d'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et le califat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Donc entre dans cette terminologie, dans ce sens-là, toutes les tendances musulmanes sauf les chiites. Parce que les chiites ne reconnaissent pas ces trois califats. Ils les rejettent. Ils ne reconnaissent pas le califat d'Abu Bakr, ni de Omar, ni de Uthman, radiallahu anhum, ajma'in. Wa qad yuradu bihi, et il est voulu ici par le terme Ahl al-Sunnah, Ahl al-Hadithi wa sunnati al-Mahda. Il est voulu par, dans ce sens-là, et là c'est le sens le plus précis, le plus concis, ce sont les adeptes du Hadith et de la pure Sunnah. فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا مَنْ يُثْبِتُ الصِّفَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى وَيَقُولُ إِنَّ الْقُرْآنَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ وَأَنَّ اللَّهَ يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَيُثْبِتُ الْقَدَرَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ. Et dans le sens plus précis, il est voulu donc les adeptes du hadith et de la sunna pure. Et donc là, n'entrera dans cette définition que ceux qui affirment les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui disent que le Coran est incréé, il n'a pas été créé, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui disent qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, les croyants pourront le voir dans l'au-delà, et qui affirment le destin, qui croient convenablement à la destinée, et plein d'autres points qui sont connus chez les gens du hadith et de la sunna. Idhan, fa ahlu sunna. Donc là, on a terminé avec la parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Idhan, fa ahlu sunna. Donc alors, les gens, les adeptes de la sunna, hum ashabu rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est qui ahlu sunna? Ce sont les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. لأنهم تلقوا عنه مباشرة أصول الاعتقاد كما تلقوا أمور العبادة. Car ils ont pris directement du prophète sallam les fondements et les bases de la croyance, de même qu'ils ont pris directement de lui sallam le reste de la religion comme les actes d'adoration. فهم أعرف الخلق des sunnati Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont les plus connaisseurs de la sunna du prophète alayhi wa sallam. Parmi les créatures, ce sont les plus connaisseurs de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Wa atba'u laha mimman ja'a ba'dahum. Et ce sont les plus grands suiveurs, ceux qui suivent le mieux et le plus la sunna du prophète sallam que ceux qui sont venus après eux. وأهل السنة أيضا هم التابعون لهم بإحسان. Et les adeptes de la sunna aussi, c'est qui? Ce sont ceux qui ont succédé aux sahaba, les tabi'in, ceux qui les ont suivis convenablement. C'est pour cela qu'on les appelle les tabi'in, ce sont les suiveurs, ceux qui ont suivi convenablement les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. المقتفون أثرهم في كل عصر ومصر. Et ceux donc ils suivent convenablement leurs traces en toute époque et en tout lieu. Wa ala ra'sihim, et à la tête de cela, ahlul hadith wal athar, les adeptes et les gens du hadith. Wa lamma kana hadha al-laqab ahlus sunnah yutlaqu ala ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa man ittaba'ahum ala ma kanu alayhi min al-hadi. Et puisque ce surnom Ahl al-Sunnah est donné aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui les ont suivis convenablement et qu'ils étaient sur la même guidée que tanaza'at at-tawa'if hadha al-laqab. Alors toutes les tendances se sont concurrencées, se sont battues ou se sont combattues pour avoir ce surnom. Ils ont voulu se donner ce surnom. C'est nous, Ahl al-Sunnah, par rapport aux autres. وَلَكِنَّ الْعِبْرَةَ بِالْحَقَائِقِ وَلَيْسَتْ بِالْدَعَوَى. Mais la leçon à tenir est qu'il faut regarder la réalité de la chose et non pas la prétention. Chacun peut prétendre ce qu'il veut, mais après vérification et en sculptant la réalité de la personne et ce sur quoi qu'il est dans la croyance, dans la pratique, dans ses paroles et dans ses agissements, on verra si vraiment il mérite ce surnom ou pas. وإنه لما نشأت البدع في الإسلام وتعددت فرق الضلال وأخذ كل يدعو إلى بدعته وهواه مع انتسابهم في الظاهر الإسلام كان لا بد لأهل الحق أن يعرفوا بأسماء تميزهم عن أهل الابتداع والانحراف في العقيدة. Et lorsque est apparu en islam les innovations et que le nombre des sectes d'égarements se sont multipliés et chacun s'est mis à inviter, à prêcher à son innovation et à sa passion tout en s'affiliant à l'islam en disant que ce qu'ils font c'est l'islam, il était un devoir à ce moment-là pour les gens de la vérité de se faire connaître par des noms ou des surnoms qui les différencieront des autres qui se sont égarés dans l'innovation et qui ont dévié dans la croyance. فظهرت حينئذ أسماؤهم الشرعية المستمدة من الإسلام. Et à ce moment-là alors sont apparus leurs noms ou leurs surnoms qui sont puisés dans l'islam et reconnus religieusement. فمن أسمائهم, parmi leurs noms, il y a أهل السنة والجماعة, les adeptes de la sunna et du groupe. الفرقة الناجية, le groupe sauvé. الطائفة المنصورة, la faction ou le groupe secouru. أهل الحديث والأثر, les suiveurs, les adeptes du hadith. السلفيون, les سلفي. والمتأمل في أسمائهم يظهر له أنها كلها تدل على الإسلام. Et celui qui médite sur ces terminologies ou sur les surnoms qui leur sont donnés, il verra bien et il comprendra que c'est des noms qui découlent de l'islam. فبعضها ثابت لهم بالنص. Certaines de ces terminologies, ils ont été cités dans des textes. والبعض حصل لهم بسبب تحقيقهم للإسلام تحقيقا صحيحا. Et d'autres terminologies ou surnoms, ils les ont eus parce qu'on a vu qu'ils ont appliqué réellement et authentiquement l'islam. وهي تخالف مسميات أهل البدع وألقابهم. Et cela, contrairement aux surnoms et aux noms qui ont été donnés ou se sont donnés les adeptes de l'innovation. فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص. Les surnoms ou les pseudos qu'ont les gens, les adeptes de l'innovation, ce sont des surnoms qui reviennent aux personnes auxquelles ils s'affilient. Kal-Jahmiyya, comme la secte des Jahmi. Nisbatan, les Jahmi ibn Safwan, parce que leur fondateur, il s'appelait Jahm ibn Safwan. La secte, on l'appelait Jahmiyya. Wazaydiyya, nisba ila Zayd ibn Ali ibn al-Husayn. Al-Zaydiyya, qui est une des branches du chiisme, et il est dit que c'était la branche la moins égarée, bien qu'elle est égarée par rapport aux autres chiites. C'est le chiisme qu'on retrouve au Yémen, par titre d'exemple. Al-Zaydiyya, c'est parce qu'il s'affilie et il prétend suivre Zayd ibn Ali ibn al-Husayn. Wal-Kullabiyya, nisbatan ila Abdillah ibn Kullab. Et la secte des Kullabiyya, pourquoi? Parce qu'il s'affilie à Abdullah ibn Kullab. Al-Kullabiyya, c'est la aqida sur laquelle sont les Ash'ari. Parce que l'imam al-Ash'ari, à la fin de sa vie, s'est repenti de l'Kullabiyya. Et les gens qui se disent Ash'ari, en réalité, ils suivent al-Kullabiyya. Ils suivent al-Kullabiyya. Puisqu'al-Ash'ari, lui, il a quitté cela. Mais eux, ils disent, nous, on est Ash'ari. Et au final, ils ne suivent que la aqida qui, pendant un certain temps, était dessus l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, qui est al-Kullabiyya. Wal-Karamiyya, nisbatan, ila Muhammad ibn Karam. Wal-Ash'ariyya, nisba, ila Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc, vous avez compris. Wa imma ila al-Qabin, mushtaqqa min asli bida'ihim. Ou alors, certaines sectes, ils ont des noms, mais ce n'est pas une affiliation au fondateur ou à celui qu'ils prétendent suivre. Parce que parfois, ils peuvent s'affilier à quelqu'un, mais lui, il est innocent de ce qu'ils font. Mais ils se sont donné ce nom-là. Et parfois, ils ont un nom, mais qui provient de leur innovation. Le nom, il provient de leur innovation. كالرافضة لرفضهم زيد بن علي كم الرافضة للشيت la grande secte des chiites comme ceux qui sont en Iran, au Liban, en Irak. Cela, ils rejettent l'imamat de Zayd ibn Ali. Donc le fait qu'ils l'ont rejeté, on les a appelés al-Rafida. Ce sont ceux qui refusent, qui rejettent. Ou les rafdihim imamat al-Shaykhain. Ou alors, on les a appelés al-Rafida parce qu'ils ont refusé l'imamat, c'est-à-dire le califat des deux shir qui sont Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma. Wa an-nawasib li nasbihim al-adaa li ahli al-bayt. An-nawasib, ce sont les ennemis de la famille du prophète sallam. Il y a des gens qui étaient contre la famille du prophète sallam, on les appelait an-nawasib. Pourquoi? Parce qu'ils ont appelé à l'animosité envers la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Wal qadariyya لكلامهم في القدر. La secte des Qadariyya, pourquoi? Parce qu'ils se sont égarés dans le domaine de et ils ont discuté sur les questions de du Qadar, du destin. والصوفيه للوبسهم الصوف. Les soufis, c'est une des explications qui est donnée sur l'origine de leur nom parce qu'ils s'habillaient avec des vêtements de laine. الصوف en arabe, c'est la laine. والباطنيه لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا. الباطنية, une secte الباطنية. Pourquoi? Parce que eux, ils ont prétendu que les textes religieux, ils ont un sens apparent et ils ont un sens caché. والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. Et المرجئة, parce qu'ils ont repoussé les actes de l'Iman. Que les actes ne font pas partie de la foi. C'est une chose qui est à part. Et donc on les appelait al-murji'a. Wa imma anna hadhihi al-alqab tarji'u ila sabab khuruj man tasamma biha min 'an 'aqidati al-muslimin wa jama'atihim. Ou alors, ces noms, ils proviennent parce que ces sectes sont sortis du groupe des musulmans. Sont sortis de la croyance sur laquelle était le groupe des musulmans. Quel khawarij les khurujihim ala amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Comme les kharijites qui se sont soulevés et sont sortis de l'autorité de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, qui était le calife des musulmans. Wal mu'tazila li'tizal ra'isihim Wasil ibn Ata مجلس الحسن البصري. Et al-mu'tazila, al-i'tizal, le fait de se mettre de côté, de s'éloigner, de ne pas être avec. Pourquoi? Parce que leur fondateur, leur chef, qui s'appelle Wasil ibn Atta, ne voulait plus s'asseoir dans les assises de l'Hassan al-Basri, rahimahullah, le grand imam tabi'i. Il s'est mis de côté. Et donc on l'a appelé Mu'tazil. il ne reste plus avec eux. Et de là, sa secte, elle portera ce nom-là, on les appelle Al-Mu'tazila. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. Donc le Cheikh Bakr Abu Zayd رحمه الله, il dit dans son ouvrage qui s'appelle Le jugement sur le fait de s'affilier ou d'appartenir à des tendances, à des partis, à des groupes islamiques. Il a un ouvrage sur ce thème-là. Il dit لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين ظهرت ألقابهم الشرعية. Lorsque sont apparues ces sectes qui s'apparentent à l'islam, qui s'affilient à l'islam, mais au même moment ont quitté la colonne vertébrale des musulmans, la base même des musulmans. Al-amoud al-faqri, c'est la colonne vertébrale. Zaharat al-qabuhum al-shar'iyya al-mumayyiza li jama'at al-muslimin li nafi al-firaqi wal-ahwa'i anhum. À ce moment-là sont apparus les surnoms des gens de la vérité qui les distinguent, les noms religieux du groupe des musulmans qui les distingue des autres sectes, des autres tendances et des gens de la passion. Sawa'an ma kana lahum min al-asma' thabitan lahum bi asli ash-shar'. Que ce soit des noms qui leur sont reconnus dans les textes religieux comme al-jama'a, le groupe. Et ça on l'a dans les textes. Al-firqatun najiyya, le groupe sauvé, et ça on l'a dans les textes. At-ta'ifatul mansura, le groupe secouru, et ça on l'a dans les textes. Ou biwasitati iltizamihim bis-sunan amam ahli al-bid'ah. Ou alors, ils ont eu un nom grâce à quoi? Grâce à leur pratique pure des sunnah du prophète sallam face aux adeptes de l'innovation. ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول. Et c'est pour cela qu'ils ont eu comme nom l'attachement au premier des musulmans. Al-Salaf. Al-Salafi, affilié au Salaf. Tu es rattaché au premier musulman. Pourquoi? Parce que tu suis le même chemin qu'eux. Tu es sur la même voie qu'eux. Tu as la croyance et la conviction qu'ils ont. Tu as les ibadat qu'ils ont. Le côté religieux, tu l'as comme eux, ils l'avaient. Donc tu es rattaché à cela, aux pieux prédécesseurs, parmi les compagnons et les tabi'in. Faqil alahum. Et donc ils ont été nommés as-salaf, les prédécesseurs. Ahlul hadith, les adeptes, les gens du hadith. Ahlul athar, pareil, les gens du hadith et des récits des plus prédécesseurs. Ahl sunnati wal jama'a, les gens de la sunna, les adeptes de la sunna et du groupe. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.